étrange quand tu frappes à ma porte, même en pleine nuit ou à samedi. Mon ange, quand tu laisses tes peaux mortes sur le lit, ou un samedi. Mon ange, quand tu frappes à ma porte, même en insomnie, ou un samedi. Quand les poussières me poussent à haïr la vie, ou un samedi. Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh, ton cœur c'est mon aiguisse. Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh, ton cœur c'est mon aiguisse. Mon ange, quand tu frappes à ma porte, même pour de faux, ouais, samedi. Mon ange, quand tu restes là, allongé sur mon dos, ouais, samedi. Mon ange, quand tu frappes à ma porte, trois petits coups, ouais, samedi. Quand tu restes pour un coup, ta porte l'infini, et samedi. Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh. Ton cœur c'est mon église. Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh. Ton cœur c'est mon église. Mais t'es jamais là la nuit, mais t'es jamais là à minuit, et tu fais jamais avec moi l'insomnie. Mais t'es jamais là la nuit, et je suis toujours seul à minuit. Feras-tu avec moi l'insomnie? Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh. Ton cœur c'est mon église. Et tes lèvres goûtent réglisse, et ta peau quand tu glisses, oh.